Patchett. Il assume. C'est lui qui a écrit plein de chansons pour moi, Les Vieux Amoureux et plein d'œufs. Je sens que le spectacle sera autant dans la salle que sur scène ce soir. On va changer complètement d'ambiance. Il y a à peu près 15 mois, je faisais à peu près 20 kilos de plus. Heureusement, ils sont repartis, comme ils étaient venus presque. Ils ont quand même laissé une trace merveilleuse, vraiment merveilleuse, qui dort à quelques centaines de mètres d'ici. On va imaginer qui peut nous entendre. Vous parlez espagnol là ou quoi? Ok, d'accord. Faites voir. Nino, mi niño, que puedo hacer? Ça veut dire Nino, mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Nino, mi niño, que puedo hacer? Ah, t'es espagnol, toi, tu vas me driver au moins ta, ton côté. Nino, mi niño, que puedo hacer? Nino, mi niño, que puedo hacer? Hyper bien. J'ai aucune correction à faire. Mais d'abord, on se met dans une petite chambre. Notre brébrillon fait une petite lumière tamisée, toute chaleureuse, comme ça. On imagine qu'il peut nous entendre. Et puis non, il ne peut pas nous entendre parce qu'il dort, n'est-ce pas? Il a intérêt. C'est une chanson pour toutes les mamans qui vivent ce vertige face à ce petit être sans parole. Et je vais la dédicacer à la plus extraordinaire des mamans du monde. Mi niño, mi trago de cielo, mi niño, mi trozo de amor. venir.